histoire particulière. Voici le dernier volet des 7 péchés capitaux de la collection Été 2018 d'une histoire particulière. Jusqu'à 18h, c'est l'heure du récit documentaire. Une histoire va commencer, une histoire singulière, une histoire vraie. C'est un ange d'une grande beauté, représenté dans un chariot de feu. Certains le disent d'un aspect assez imposant, avec une figure respirant la sagesse. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, tellement sa voix est suave et son éloquence envoûtante. Il peut être à sa guise, grand comme une tour de 30 étages, ou bien faire la même taille qu'un homme. Il a l'esprit le plus dissolu, crapuleux et épris du vice que l'enfer n'ait jamais connu. Créé immédiatement après Lucifer, il aurait été l'un des tout premiers à chuter après avoir entraîné la plupart des anges dans la révolte. On le place même au rang de roi, au-dessus de Satan lui-même et même chef de tous les anges déchus. Il est le secrétaire d'État de Méphistophélès et préside aux assassinats secrets. Vous avez deviné ? Bélial est son nom, la luxure est son péché, et c'est Olivier Chomel et François Test qui vont vous en raconter une bien coquine illustration. Le cardinal et l'épectase de l'apôtre. Olivier Chomel, François Test. Le cardinal Danielou est mort subitement cet après-midi à Paris. Il était âgé de 69 ans. Le cardinal Danielou se trouvait chez des amis dans le 17e arrondissement. Lorsqu'il fut victime d'un malaise, alerté aussitôt, les gardiens de la paix sont intervenus très rapidement. Mais le cardinal avait cessé de vivre. Sa dépouille sera transportée au siège du Sacré Collège. Avec la mort du cardinal Danielou, c'est une personnalité religieuse de premier plan qui disparaît. Homme d'église éminent, d'une curiosité intellectuelle toujours en éveil, passionné d'écuménisme, le cardinal Danielou était un polémiste de talent. On se souvient notamment de l'émission télévisée « À armes égales » où il fut opposé au philosophe marxiste Roger Garaudy. Il était né en 1905 à Neuilly-sur-Seine, il fut ordonné prêtre en 1938 et nommé cardinal par le pape Paul VI en avril 1969. Le 9 novembre 1972, il était élu à l'Académie française au fauteuil laissé libre par le cardinal Tisserand. Claude Angéli, vous avez été longtemps rédacteur en chef du Canard enchaîné. 30 ans. Et à l'époque dont on parle, donc 1974, ça fait quelques années que vous êtes au journal. Comment est-ce qu'elle a démarré cette affaire Danielou qui aurait très bien pu ne pas exister ? Eh bien, c'est un ami du journal, pigiste de temps en temps, qui travaillait pour Newsweek aussi, et qui un jour me dit « il faut que je te parle ». Bon. Il avait un parent qui connaissait une dame travaillant comme gardienne dans un immeuble. Dans cet immeuble, il y avait une dame qui faisait call girl, appelons ça call girl, et qui avait reçu quelqu'un qui était mort sur place. Et elle avait vu venir des ecclésiastiques et emporter un corps, enfin je ne sais plus comment, mais... Et donc, une scène un peu bizarre. Une scène un peu bizarre, une histoire particulière. Et donc, elle avait averti la personne chez qui elle travaillait, qui avait averti notre ami du Newsweek, et c'est comme ça que nous l'avons appris. Le 19 mai 1974, le cardinal Danielou virevoltait parmi la foule du Grand Pardon de Saint-Yves à Tréguier. C'était pourtant un dimanche d'élection présidentielle. Il avait sans doute établi une procuration. On imagine mal un tel homme s'abstenir électoralement. Le lendemain lundi, à Paris, Police Secours reçoit un appel à 15h48 et court constater que le cardinal est décédé au domicile d'une jeune femme qui fait commerce de sa beauté. Qu'allait-il y faire ? Personne n'en aura jamais la certitude. Cette histoire mêle l'épiscopat et la luxure, qui est un péché capital, la presse satirique et l'onctuosité du clergé parisien, la charité chrétienne et les fantasmes de chacun, ainsi qu'un certain folklore paillard, très cher à beaucoup de nos compatriotes. Jean-Marie Ponto. Vous venez de publier un livre chez Talendier, le titre c'est « Sous les jupes de la cinquième ». Et un chapitre sur le cardinal Danielou, qui a beaucoup embarrassé l'Église catholique et notamment l'épiscopat parisien en 1974. Vous étiez au point à l'époque, hein, Jean-Marie Ponton. Absolument, j'étais au point à l'époque. Et moi, j'ai été spécialisé, un peu par hasard, dans les affaires donc, judiciaires, ce qu'on a appelé après l'investigation, ce qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Évidemment, je ne m'occupais pas des affaires religieuses. Donc, vous connaissez Danielou quand même. Je connaissais Danielou de nom. C'était un personnage très connu à l'époque. En plus, moi, j'étais étudiant à Nanterre et il était venu à Nanterre débattre avec des gens. Ça, c'était d'ailleurs, ça avait été assez chaud, mais ça s'était bien passé. Et c'est un homme qui était pugnace, qui représentait l'Église avec une grande vigueur et puis qui était très débatteur public. Et en même temps, qui était quand même un homme assez conservateur sur le fond, je crois, enfin, d'après ce que j'ai compris après. Il était plutôt traditionnaliste sur un certain nombre de points, sur la contraception, sur le mariage des curés, des choses comme ça. Mais il était vraiment un personnage en pointe de l'Église. Et donc, quand il est mort, pour tout vous dire, moi, sur le coup, je n'ai pas bougé parce que ça ne me semblait pas être dans mon domaine. Bon. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à comprendre, parce que je m'occupais de la police, qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre, parce que j'avais des copains policiers qui rigolaient un peu sous cap, que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'un peu étrange. Et puis, il a eu un enterrement aux obsèques à Notre-Dame. Et après, ben, le canard enchaîné a raconté ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était mort dans un appartement chez une dame et qu'il avait été trouvé dans des circonstances un peu troublantes. Il y avait à ce jour-là un journaliste du Canard Enchaîné au commissariat du 17e qui a prévenu son journal et la polémique a enflé très rapidement avec une presse absolument délirante dans Charlie Hebdo, dans le Canard Enchaîné. On voyait des prêtres, des soutanes soulevées, des dessins orgiaques avec... Vous suffit de relire la presse de l'époque, vous vous rendez compte de... Bon. C'est surtout le canard qui se gausse de ça. Charlie, pas seulement, toute la presse. Hein, en effet, c'est chou gras. Moins le Figaro, effectivement. Mais il y a eu cet article. Ou la Croix. Oui, absolument. Et donc, si vous voulez... Pour ma famille, en particulier ma grand-mère qui était sa sœur, ça a été un choc épouvantable. Ce que je voudrais, surtout en racontant cette histoire, c'est qu'on voit derrière Danielou l'homme, d'abord, d'une immense bonté, qui n'a jamais rien fait de mal. Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Quand la mort t'a surpris, tu étais dans les bras de Mimi. C'est une sacrée vacherie de ton Seigneur qui fait bien rire les libres penseurs. Danielou, vieux matou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Scandaleuse vérité. C'est le titre d'un livre dans lequel le cardinal académicien Danielou entendait démontrer que la vérité ne devrait jamais créer le scandale. C'est bien notre avis. Et c'est pourquoi nous sommes très étonnés des remous suscités dans les hautes sphères de l'Église par notre article de la semaine dernière, « La fin tragique du cardinal Danielou ». Soucieux de vérité historique, nous avions simplement indiqué que le saint homme n'était pas mort dans la rue, comme la presse l'avait dit, mais dans l'appartement d'une jeune dame, Santoni, au 56 rue du Long, Paris 17e. Madoué, quel schtroumpf cette révélation a déclenché! Coup de fil aux journaux, messages chiffrés au Vatican, enquête parallèle menée par les plus hauts prélats. Bref, il y a maintenant une affaire Danielou. Le Canard Enchaîné, 5 juin 1974. Aujourd'hui, Éminence, quel est le problème, le sujet de préoccupation dont vous voulez nous entretenir? Eh bien, je pense qu'il y a un problème qui me paraît très actuel, très préoccupant. C'est le problème d'une certaine crise morale qui est celle de la société dans laquelle nous sommes. Il y a bien sûr les problèmes qui sont ceux des jeunes, que malgré tout, des phénomènes comme le développement de la criminalité, comme le développement de la drogue, comme une certaine crise sexuelle, n'est-ce pas ? Et tout ceci constitue tout de même un monde où on a l'impression, justement, que le sens du primat des valeurs morales, l'importance donnée, par exemple, à des valeur aussi grande que la conscience professionnelle, que le respect du travail, n'est-ce pas ? La haute idée à laquelle le christianisme est très fidèle de ce qu'est l'amour humain quand il est pleinement, justement, réalisé et vraiment que nous voyons aujourd'hui dégradé dans un certain érotisme qui ne correspond pas du tout au fond à ce que d'ailleurs les hommes cherchent au fond d'eux-mêmes. Emmanuel aime les caresses buccales. Emmanuel, Emmanuel aime les intellectuels. Emmanuel. Daniel Lou, il jouait un peu les porte-paroles de l'Église. Il était invité dans les radios, les télévisions. Puis il était quand même assez réactionnaire sur ce plan. Moi, quand j'ai travaillé au Nouvel Observateur avant le Canard Enchaîné, j'ai connu beaucoup de prêtres mariés, des gens qui venaient parler de leurs problèmes et tout, de leur position sur la contraception, sur l'avortement, tout ça et tout. Lui, il était contre l'avortement, contre la contraception, il n'était pas pour le mariage des prêtres, enfin, il était intelligent, cultivé, mais assez réac. Alors, on en a parlé à plusieurs, et puis on a dit, bah, on va le sortir. On l'a sorti sous forme un peu canard, un peu satirique, un peu humoristique. Et puis, il y a les réponses de l'épiscopat qui étaient absolument ridicules. C'est-à-dire ? Ils ont inventé une situation où il allait presque confesser cette dame. Et puis, ils ont inventé ce terme qu'ils ont retrouvé dans les Saintes Écritures, je crois, l'épectase. C'était un prêtre qui avait dit ça dans le Figaro, dans l'article du Figaro. L'épectase voulant dire, je crois, qu'on meurt en oubliant sa condition pour se mettre dans les pas du Christ. J'ai trouvé une définition un peu différente de ce mot un peu obscur, apparemment. Enfin, c'est un mot que personne ne comprend à l'époque. Hein. Parce que Daniel Lou s'était fait offrir un travail d'édition qui réunissait des textes en français, latin, anglais et allemand, intitulé « Epectasis, mélange patristique offert au cardinal Jean Daniel Lou » en 72 quand il entra à l'Académie française. Et la définition est donnée dans l'introduction « Au cœur du vocabulaire spirituel de Grégoire de Nice, ce mot résume la tension de l'âme hors d'elle-même à la rencontre de Dieu. » Ce qui ne nous éclaire pas tellement, d'ailleurs. Non, mais c'est un beau mot. Et puis, évidemment, ça fait penser à extase, évidemment, tout de suite. Il y a une consonance phonétique qui parle tout de suite. Et puis, ça fait fortune, parce que tout le monde a un peu rigolé, parce que l'extase, c'était une idée formidable. Comme ils avaient trouvé les avions renifleurs, vous savez, le canard avait un don pour trouver des titres comme ça. L'extase est presque aussi célèbre que les avions renifleurs. Quand le cardinal a rencontré l'épectase de l'apôtre chez la danseuse Mimi, il était dans l'exercice de ses fonctions sacerdotales. Il ne faisait qu'imiter son grand patron, Ignace de Loyola, lequel, on le sait, ne dédaignait pas d'aller semer la bonne parole chez les Marie-Madeleine pécheresses. Ce qui nous chiffonne le plus, mes bons pères, c'est que, pour nous traiter d'infâmes, vous reprenez à votre compte le refrain qui a servi à notre bonne presse pour justifier son silence. À savoir qu'il est vil d'attaquer un homme sur sa vie privée, surtout quand il n'est plus là pour se défendre. Superbe hypocrisie, mes bons pères. Primo, le cardinal académicien Daniel Lou était un homme public, un peu trop public même pour certains d'entre vous. Il sortait beaucoup, il se montrait souvent à la télévision, on le disait Papa Bill. Visiblement, il voulait entrer dans l'histoire. Nous en voudrez-vous d'avoir voulu, sur les circonstances de sa mort, rétablir la vérité historique. Ce n'est pas lui qui a voulu travestir la vérité en disant que l'épectase l'avait frappé en pleine rue. Et, tout à fait entre nous, mes révérends, nous ne trouverions pas du tout scandaleux qu'il soit mort dans les bras de la belle Minnie. À nos yeux, épectatique ou pas, c'est une très belle mort. Et nous n'avons jamais prêché le célibat des prêtres, nous. Le Canard Enchaîné, 19 juin 1974, révérend père Gabriel Massé de la compagnie de l'épectase. Donc je suis Emmanuel de Boisson, écrivain. J'ai publié 18 livres et romans, dont le premier sur mes grands-oncles, les Danielou, et intitulé, paru chez Albin Michel, Le cardinal et l'hindouiste, le mystère des frères Danielou. Et vous êtes aussi une des seules personnes à avoir approché et rencontré assez longuement Gilberte Santoni, née Weber et dite Mimi, chez qui le cardinal a été retrouvé mort le 20 mai 1974. Comment est-ce que vous avez procédé pour rencontrer cette personne ? Longtemps, cette histoire, puisqu'elle date de 1974, a été un secret de famille, un tabou. Et si vous voulez, je relate à nouveau sa mort telle qu'elle a été, telle que ça s'est passé. 19 mai 1974, il est à Tréguier. Vous le savez, il fait très chaud ce dimanche. Il fait très chaud et il manifeste déjà des signes de fatigue cardiaque. Bon. C'est un personnage qui ne s'économise pas. C'est un personnage, si je puis décrire, virbrillonnant, impatient, qui adorait prendre des risques. Il est agité, voire nerveux, très exubérant, très rapide, imprudent. Et c'est cette imprudence-là qui va lui jouer des tours. Donc après ce pardon, il revient à Paris. Et le lendemain matin, il se réveille aux études. La maison des jésuites, monsieur. Et puis, il a un déjeuner. Il arrive à 15h pétante aux études. Il a le temps de monter, prendre son courrier et ressort. Il ressort et prend le métro jusqu'au 17e. Il arrive à 15h33, rue du Long. Il faisait très très très chaud ce jour-là. Il monte les 5 étages. Il arrive sur le palier de l'appartement de Mimi Santoni, totalement blanc, comme un linge. Elle lui ouvre, il entre, et il dit « Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud !» Et là, il s'effondre et il tombe à genoux. Et là, il est 15h33, exactement. Donc si vous calculez le temps du point de départ Notre-Dame-des-Champs jusqu'à l'arrivée, vous êtes absolument certain qu'il n'a pas eu le temps de se déshabiller. Donc, il n'est pas mort dans l'épectase de l'apôtre, comme l'a dit, l'ont dit certains en gardant ce mot épectase qui veut dire en grec tension de l'âme vers Dieu. Claude Cancès a été longtemps patron du célèbre 36 Quai des Orfèvres. Jeune flic, il a travaillé à la Brigade Mondaine, l'observatoire privilégié des fantaisies urbaines. Il a publié un ouvrage sur ses souvenirs de cette époque, aux éditions Pygmalion. Cet ecclésiastique, dont je crois vous avez cité le nom, je n'ai pas osé encore le citer non plus aujourd'hui, fréquentait les prostituées, notamment une prostituée qui était une de nos indicatrices. Et donc, à plusieurs reprises, ce cardinal a été interpellé dans les bras de cette prostituée. Et chaque fois, il a eu un comportement, ce cardinal, arrogant et hypocrite. Il y avait un cardinal d'identité, mais sur laquelle il se présentait comme libraire, si vous voulez. On savait qui on avait affaire. Alors, non seulement on ne savait qui on avait affaire, mais en plus, il nous traitait comme si on était des salmets, quoi, arrogants, hypocrites, etc. Et il dissimule sa véritable fonction, alors même qu'il est déjà très connu et qu'on l'aperçoit régulièrement dans la presse et à la télévision. Tout à fait, exactement, exactement. C'est l'heure de la chronique de Michel Droit. Eh bien, parlons du cardinal Danielou. Je connaissais donc bien le cardinal Danielou. Et c'est pourquoi, l'ayant bien connu, je puis affirmer que si les circonstances de sa mort avaient été ce que certains utilisateurs privilégiés et commentateurs empressés de rapports de police ambigus se complaisent à laisser supposer qu'elles furent, ces circonstances auraient été en contradiction absolument totale avec tout ce que fut la vie du cardinal Danielou. Et c'est pour cela que ce n'est pas vraisemblable. Est-ce que vous pouvez nous donner, Emmanuel de Boisson, une description physique du personnage de votre grand-oncle Jean Danielou, cardinal? D'abord, ce qui frappait beaucoup, c'était ses yeux très pétillants. Un joli regard, très beau. Derrière des grosses lunettes. Des grosses lunettes, un petit peu des dents en mauvais état. Mais qu'importe, ce qui frappait tout de suite, c'est sa vivacité. C'est un homme surmené. C'est un homme surmené, se moquant complètement de sa tenue. Il n'allait pas chez le dentiste, il n'était pas toujours très propre. Il était vraiment un homme On parle de ses chaussettes souvent rouges. Ses chaussettes de cardinal rouge. Je me souviens quand il avait soulevé sa soutane, il était chez mon grand-père, il était très fier de ses chaussettes. Ça l'amusait beaucoup. Il faudrait aussi citer Éminence, il faudrait citer Test, il faudrait citer l'avenir de la religion, par exemple Test. Alors ça, c'est la seconde catégorie. Alors Test, un petit livre que j'aime beaucoup, n'est-ce pas ? Que j'ai publié après les événements de 68, et qui est tout à fait alors un livre de combat, n'est-ce pas? Autour de Test, j'ai mis sur la couverture attestation, contestation, détestation et attestation, pour montrer que tester signifie à la fois aimer et détester. Et alors ça, c'est quelque chose dont je suis pénétré. Je suis un être d'amour, dans la mesure où ma réaction spontanée est d'aimer et d'admirer, je déteste le mépris. Mais précisément, je déteste ce qui abîme ce que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi, ayant en moi un côté polémique, un côté bagarreur, qui est certain, vous voyez, une certaine violence, qui s'exprime souvent dans mes articles, mais qui est précisément le contraire même d'une contestation destructrice, qui est le fait que je déteste qu'on abîme ce que j'aime. Je déteste qu'on abîme la foi, je déteste qu'on abîme l'amour, je déteste qu'on abîme l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu quand même dans sa vie toujours des amitiés avec des jeunes femmes. Il aimait la compagnie des jeunes femmes. C'est par son écoute, sa sensibilité quasi féminine, qu'il était proche des femmes. Et donc dans sa relation aux prostituées, il y avait certainement, d'après tout ce que m'en a dit Mimi Santoni, cette relation d'écoute, d'attention, de bienveillance et de fraternité, de douceur. De ce qu'elle m'en a dit, c'était une relation beaucoup plus complexe, beaucoup plus belle, proche d'une relation d'amour, plutôt qu'une relation purement de consommation, comme le font la plupart des clients. C'était donc une relation très, je qualifierais d'abord d'humaine, et plutôt certainement sympathique, et qui devait être un petit moment de bonheur dans une vie trépidante. Avec du plaisir charnel par-dessus. Écoutez, franchement, je n'entrerai pas dans cette intimité-là, parce que je n'ai aucune... Aucun élément. Et je ne peux pas rentrer dans leur alcôve. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une phrase qui me revient, qu'elle m'a dit, c'est quand il la regardait, il trouvait d'abord qu'elle était belle, et qu'elle avait un beau sourire, et que son visage reflétait l'amour. Après, il y a une histoire qui est assez exceptionnelle, c'est ça ce que j'ai raconté, parce que ça, je crois que c'était pas très connu. C'est que cette dame, après cette affaire, a été extrêmement sollicitée. Elle a été extrêmement... Par la presse. Par la presse française, par Paris Match en particulier, et surtout par la presse allemande. Bild, et Bild lui proposait mais une somme faramineuse, je crois 1 million de francs, pour qu'elle raconte ce qui s'était passé. Et alors là, il s'est passé quelque chose, d'après ce que m'ont raconté les politiques, qui est assez extraordinaire quand même, c'est qu'elle a été voir l'archevêché, où elle l'a contacté par les intermédiaires, elle a dit, écoutez, moi, je ne parlerai pas, je ne ferai pas d'interview, je ne dirai rien, mais j'ai mon mari, son vrai mari, qui est en prison, pour proxénétisme, et s'il sort, si vous le sortez de prison, je ne parlerai pas, je me tairai. Et donc, on l'a sortie, d'après ce que j'ai cru comprendre, on l'a vraiment sortie. Et donc, elle s'est tue. Elle n'a jamais parlé. C'est une femme très, très honnête, finalement. Très honnête. Et alors, en plus, il y a une autre histoire dans l'histoire qui donne une dimension, si j'ose dire, carrément politique. C'est que le Vatican est évidemment très embêté par cette affaire. Et on était, à l'époque donc, de la présidence de Giscard d'Estaing, et on était en train de préparer la loi Veil sur l'avortement, enfin, sur l'IVG, qui était évidemment extrêmement mal vue du Vatican. Et il semblerait que l'affaire Daniel Lou a aidé, parce que le pouvoir s'est engagé à pas trop divulguer l'affaire, mais qu'en échange, on voit d'un bon œil qu'il n'y ait pas une offensive violente contre cette loi. Donc ça a eu, je ne sais pas quel effet ça a eu réellement, mais en tout cas, c'est vrai qu'en partant de cette affaire, on est arrivé quasiment à une affaire d'État entre la France et le Vatican. Pour nous, dans la famille, il y a plusieurs hypothèses à l'époque. Soit il aidait des prostituées, il leur donnait de l'argent, parce que ce jour-là, il avait quand même 3000 francs sur lui. Il aidait donc cette prostituée aussi, comme il aidait véritablement d'autres prostituées. Deuxième hypothèse, il protégeait un homme politique. On a pensé à Giscard. Il était venu justement lui donner de l'argent pour protéger un homme politique. L'affaire se serait su, qui aurait été gênant. Mais la position de la famille d'Alain Danielou, que je respecte énormément, et était vraiment celle de dire, bon, nous, on ne sait pas, on n'a pas la vérité. Ce qu'on sait de Jean Danielou nous prouve que c'était un homme de foi, par contre très très imprudent, prenant un risque fou ce jour-là d'aller chez des prostituées. C'est de la folie quand on est cardinal. Et surtout, quand on peut devenir pape, quand on a fait la une de l'Express. Il en était question. Et il en était question, puisqu'il était totalement candidat à la papauté. Quand on parle à Rome d'une fille bulpeuse, on dit c'est une bouchée de cardinal. La Mimi devait être courageuse pour s'envoyer l'affreux clérical. Tu devais bien payer aux jésuites, on a trouvé sur toi des gros billets. Je ne sais ce que te fit l'Aphrodite, mais ton cœur n'y a pas résisté. Danielou, Danielou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Finalement, cette affaire, elle dure quelques semaines, mais pas tant que ça. Et elle ne s'entretient que parce que l'autre camp, disons le camp clérical, oui, réagit, se montre scandalisé par les affirmations que vous imprimez dans le journal. Oui, scandalisé sans trop crier au loup, hein, parce que c'était quand même assez gêné. Mais vous savez très bien qu'on a été battu par l'épiscopat ensuite sur ce plan d'information. C'est-à-dire ? Eh bien, il y a l'évêque de Montauban, Monseigneur Thor, je crois. Monseigneur Roger Thor. Roger Thor, qui a été retrouvé rue Blondel, c'est une petite rue dans le quartier près de la rue Saint-Denis, extrêmement étroite et où il y a plein de maisons de passe, on appelait les bordels à l'époque. C'est triste d'ailleurs, c'était pas du raffinement. Et il a été retrouvé sur le trottoir, je crois, crise cardiaque. Et c'est l'épiscopat qui a annoncé sa mort rue Blondel. Avant vous. Avant nous, oui. Alors là, ça nous a permis d'ironiser en remarquant que sur le plan informatif, l'épiscopat est capable des fois de faire de l'investigation et de révéler des choses que le public ne connaît pas. Et c'est en janvier 75, c'est-à-dire quelques mois après Danielou. Oui. Le début d'une épidémie, peut-être. Non, mais c'est aussi très triste que cet évêque soit venu là, parce que, bon, ils n'en peuvent plus. À un moment donné, jamais Jésus-Christ n'a demandé que ses apôtres ou ses successeurs pratiquent, disons, la sainteté du corps. Un jour, il faudra que ça change. De l'épectase à la luxure et réciproquement. Tourne-toi. Et Cardinal Jean Danielou, est-ce que vous êtes prêt à mourir? Je suis prêt à mourir. Je veux dire par là que j'ai une immense confiance dans l'amour de Dieu. Et par conséquent, quels que soient mes péchés, quels que soient, pour moi, si vous voulez, la mort est essentiellement la suprême pauvreté, si vous voulez. C'est vraiment le moment où alors on est totalement dépossédé, si vous voulez. Alors, comme je crois beaucoup à l'amour de Dieu, n'est-ce pas, je sais que pour moi la mort, c'est bien dans toute ma pauvreté, dans toute ma misère, à ce moment-là, de me remettre entre les mains de l'amour. Et de ce point de vue-là, je peux dire que je ne crains pas la mort, mais pas du tout à la manière stoïcienne. Je crains terriblement la souffrance. Vous voyez, je ne suis pas du tout, stoïcien, enfin, à ce point de vue-là. Et je crains beaucoup la mort, enfin, je dirais, comme angoisse, enfin. Mais je ne la crains pas dans la mesure, eh bien, où j'ai confiance en Dieu. Le pouvoir, d'où qu'il vienne, se mêle de nos histoires de fesses. C'est et sera toujours ainsi, il ne peut pas s'en empêcher. Par exemple, Rome entend priver les femmes et des hommes de sexualité, et même le leur faire admettre et vouloir. C'est certainement une des étrangetés les plus surprenantes de notre civilisation. Il existe 12 travaux d'Hercule, 10 crues du Beaujolais, 7 merveilles du monde, et autant de péchés capitaux. On peine toujours à en dresser la liste exhaustive, mais on sait que la luxure est l'un d'eux. Il s'agirait des rapports que le bas-ventre entretient avec la cervelle, perçoit-on. La luxure est interdite aux croyants, mais elle l'est encore plus aux serviteurs de Dieu. Lorsqu'un ecclésiastique aussi célèbre que le cardinal Danielou meurt brutalement au domicile de la belle Mimi, il est bien naturel qu'on s'en amuse, qu'il ait ou non commis le péché capital en question, qu'il soit ou non mort de cette mort sublime. Philippe Charlier, vous êtes médecin légiste. Ça existe vraiment, l'amour qui tue? On peut mourir d'un orgasme? En théorie, on peut en mourir. C'est une mort dont je ne suis pas certain que ça soit une belle mort, en l'occurrence. En fait, on ne meurt pas d'amour, on ne meurt pas d'orgasme. On meurt des modifications physiologiques qui accompagnent ce moment, tout simplement. C'est-à-dire que le cœur s'emballe. Il s'accélère de façon assez radicale. Et c'est quoi le signal physiologique de ça? Le signal physiologique, c'est le plaisir extrême, c'est l'excitation d'abord qui grimpe jusqu'au moment ultime. Et du coup, le cœur s'accélère, la tension artérielle augmente également. Il y a une décharge d'adrénaline à ce moment-là, une sécrétion d'adrénaline qui modifie radicalement la physiologie de l'homme et de la femme. C'est une vraie révolution. Ce moment-là, sur le plan organique, est une vraie révolution. C'est-à-dire que le corps se met dans un état quasiment second. Alors, je sais qu'on a l'habitude de dire que c'est la petite mort, mais c'est pas le but ultime normalement de ce moment-là, puisqu'il est censé se reproduire à de nouvelles occasions. Si possible. Le corps se met vraiment dans un moment qu'il doit supporter. Quand on est insuffisant cardiaque, quand on a déjà fait des infarctus, quand on a des vaisseaux qui sont un petit peu mal formés au niveau du cerveau ou au niveau du reste du corps, eh bien ces zones-là sont des fragilités qui font que l'individu peut ne pas supporter cette excitation brutale, cette augmentation de pression artérielle, cette accélération du rythme cardiaque et cette petite révolution physiologique tout simplement. Et il peut finir par en mourir. Qu'est-ce qui lâche alors? C'est le système vasculaire, ou le cœur, ou le cerveau peut-être? Il y a plusieurs possibilités. Soit un vaisseau peut exploser dans le crâne, par exemple, quand on a un anévrisme, ou quand on a une malformation artério-veineuse, ou quand on a des artères qui sont un petit peu trop calcifiées à cause de trop de cholestérol qu'on a dans le sang ou dans la paroi des vaisseaux. Et bien, ce sont des zones qui sont de vulnérabilité, et ça peut littéralement exploser, et on fait ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique, ou alors une hémorragie méningée. C'est une mort qui est assez douloureuse, on a très très mal au crâne, et puis on peut d'ailleurs ne pas mourir tout de suite sur le moment, mais être un petit peu paralysé. Le cœur peut lâcher aussi, le cœur peut s'accélérer, et quand c'est sur un cœur qui est pathologique, pour X ou Y raison, eh bien il peut prendre un rythme qui n'est pas un rythme normal. C'est-à-dire qu'il peut battre de façon complètement erratique, totalement désordonnée, et finir par s'arrêter. On appelle ça un trouble du rythme cardiaque paroxystique. Et ben, à ce moment précis, qui est cette décharge d'adrénaline, cette accélération, le cœur peut décompenser complètement et partir sur un rythme désordonné. On appelle ça ironiquement l'épectase depuis les aventures du cardinal Danielou. Ça porte certainement d'autres noms en médecine, Philippe Charlier. C'est ce nom-là. En médecine, c'est ce nom-là aussi. On parle d'épectase de la même façon. Oui, tout est. C'est vraiment rentré dans le langage médical. En arrivant au Batignolles, elle me prit par les roues plaquettes. C'était pas bête. En rentrant chez moi tout à coup, elle me dit avant de tirer le rideau. Mon petit coco, faut que je te le dise, on m'appelle Luce. Je réponds alors, faut que tu m'embrasses à cette place. Et en voyant ses yeux de braise, je lui dis bien ici que je te dise quelques bêtises. Vous vous souvenez de l'affaire Danielou, Alain Rey, 1974? Tout à fait. Ça, c'est le canard enchaîné après la mort du cardinal Danielou. Dans les bras d'une prostituée, et on a ressorti à cette occasion un mot qui était rarissime, presque jamais employé, qui est du grec et qui est l'épectase. Quel est le sens premier d'épectase? Alors, à peu près, à l'arrêt. Épectasie, c'est l'idée de prolongement, et il est employé comme ça en théologie. Alors, si le canard enchaîné s'est jeté sur le mot pour en faire quelque chose de sexualisé et d'ironique en même temps, c'est pas par hasard du tout, c'est parce que le cardinal Danielou était un théologien éminent et qu'il avait pondu un bouquin sur un père de l'Église qui s'appelle Grégoire de Nice et qui avait travaillé sur le concept théologique d'épectase. Et dans ce contexte-là, l'épectase, c'était l'élan de l'âme vers Dieu, donc une sorte de prolongement. Et le mot épectase en grec ancien a été très souvent employé, enfin très souvent, quelques fois employé plutôt, pour désigner le mouvement qui part du passé pour aller vers l'avenir. Donc c'est quelque chose qui est ouvert sur l'avenir. Il y a cette une idée de progrès, une sorte d'extension. C'est plutôt ça le sens du mot, c'est extension. Et évidemment, on peut très bien penser en métaphore insolite à l'idée de l'érection. Je crois que c'est ça qui s'est passé dans le cerveau des gens qui ont utilisé ce mot pour en faire un mot de des dangers d'une extrême sexualité chez des gens un peu fragiles. Donc, je sais pas, la crise cardiaque à un moment d'émotion extrême qui est attachée là à l'idée d'orgasme. Et comme le mot était inconnu, et qu'il a une sonorité assez cascadante, impectante, ça tombait très très bien parce que les gens savaient pas du tout ce que ça voulait dire. Et du coup, le mot a été travesti de ce genre. Mais je pense qu'il est déjà un petit peu oublié maintenant, mais enfin, dans les années 70 et 80, effectivement, ça a fort bien marché. On confond trop souvent, dit le cardinal Danielou, sexualité et érotisme. La sexualité est un don de Dieu. La rencontre d'un homme et d'une femme est le grand acte de l'univers. Je comprends personnellement que certains prêtres soient sensibles à la beauté, au charme d'une femme. Et si je n'admets pas qu'ils succombent, c'est parce que nous devons observer certaines règles essentielles. Le vœu de chasteté reste la grande force de notre ordre. Mais pourquoi cacher la tendresse que nous portons aux femmes, qui sont aussi des créatures de Dieu? L'hypocrisie n'est pas bonne conseillère. Le prêtre, aujourd'hui, doit se mêler au monde, mais il n'a pas le droit d'en être esclave. De là sa grande difficulté à vivre. On attend trop de lui. Il n'est qu'un homme. Paris Jour, 4 septembre 1969. André Rauch. Alors peut-être deux ou trois mots sur Daniel Lou, qui est un théologien de très grande envergure, issu des écoles de jésuites. Il était lui-même jésuite. Et donc, auquel, en tant qu'intellectuel, j'ai un certain respect. Deux, à propos de de l'événement dont vous me parlez, il y a deux thèses, hein. Il y a une première thèse qui est, il allait donner de l'argent à cette femme parce que elle en avait besoin pour sortir son mari de prison. C'est la thèse, je l'appellerais soft. Mais vous voudriez savoir ce que je pense de la thèse hard, qui est, il allait chez une prostituée pour consommer. Je ferai quatre remarques. La première, dans notre société, nous considérons que l'adultère, donc le fait qu'un homme marié ou une femme, mais prenons le cas de l'homme, ça sera plus facile dans la démonstration, nous considérons que dans l'adultère, l'homme, entre guillemets, trompe sa femme. Tandis que Daniel Lou, il trompe Dieu. C'est beaucoup plus grave. La deuxième remarque, c'est que si cette hypothèse se révèle exacte, non seulement il a oublié Dieu pour, en quelque sorte, être la victime de son péché, mais en même temps, il a trompé ceux qui autour de lui étaient ses paroissiens, tous les catholiques qui croient en Dieu et qui, par conséquent, le respectait, puisqu'il est le représentant de Dieu auprès de son cardinalat. La troisième remarque, c'est que, en agissant ainsi, il n'a pas lutté. Qu'il ait des désirs sexuels, nous ne sommes pas suffisamment naïfs pour ne pas le croire. Bien sûr qu'il a des désirs. Mais précisément, comme c'est un homme de Dieu, il doit lutter. Et dans cette lutte, il doit l'emporter sur la tentation, et donc sur le démon. Ce qui est le troisième scandale. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est que ça a fait scandale auprès de qui ? Vraisemblablement surtout auprès des gens qui éprouvent ce petit désir qui s'appelle la sexualité et qui, d'une certaine manière, auraient bien aimé montrer qu'il a fauté. Alors que, précisément, il ne levait pas. Autrement dit, je pense aussi que ceux qui se sont complus à lui faire porter cette grave culpabilité, peut-être qu'eux-mêmes, dans leur conscience, n'étaient pas très au clair avec le sexe. Même quand tu es habillé, je te vois nu, je te vois nu. Et je te prends par la pensée. J'aime tout ce qui est défendu. Je voudrais que tu te dandines à m'en chavirer la raison. Ballerine dans la mousseline ou dans les rideaux du salon. Ah oui, j'aime bien ça les ecclésiastiques. Je les trouve charmants. Surtout dans leur rapport avec la prostitution, puisque c'est le sujet qui sont toujours un peu compliqués. Il faut comprendre. Hein. Le célibat n'est pas un état naturel et donc il y a toujours des accommodements et leur manière d'avoir des accommodements et tout est toujours assez cocasse à regarder. Quoi. Oui. C'est difficile de lutter contre la physiologie, Marc Lemonnier. Oui, c'est difficile. Oui. C'est difficile, mais surtout quand on a une hiérarchie, parce que c'est la hiérarchie, je parle pas de Dieu évidemment, mais les étages intermédiaires de la hiérarchie qui ont eu parfois des attitudes assez fluctuantes, autorisant ou fermant les yeux ou condamnant ou faisant mine de rien voir, ce qui était un peu le cas. Il fallait qu'il n'y ait pas de scandale, quoi. Et vous semblez presque affirmer, Marc Lemonnier, que la chose est, dans certains cas, organisée. Organisée, elle l'a été, mais pas par l'Église, entendons-le bien. Mais en revanche, il y avait des manières de fermer les yeux. Et même, je pense en particulier, 14, 15e siècle, lorsque les religieux parisiens allaient dans l'équivalent des bordels de l'époque, qui étaient plutôt des étuves, c'était avec une espèce de consentement tacite, parce qu'on préférait, c'était moindre mal par rapport aux deux autres options, qui étaient l'homosexualité ou coucher avec des femmes lambda qui encouraient le risque de tomber enceinte des œuvres des prêtres. Donc le fils de prêtre, bon, y a des papes qui ont eu des enfants, hein, bon, c'est pas complètement dramatique, mais le fils de prêtre était quand même un risque bien plus grave que celui du recours à la prostituée, sachant quand même qu'il y avait des choses qui nous paraissent assez dérisoires à l'époque, que le péché était différent selon les manières dont, excusez-moi du terme, on se servait de la fille. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des relations sexuelles ressemblant à celles de la procréation, mais il n'était pas question de fellation, de sodomie, qui rentrait d'ailleurs toutes dans le terme sodomie, terme global. Donc voilà, il y avait une tolérance. Il y a aussi des gradations dans le péché, des gradations dans l'affranchissement qu'on en a. Ouais, dans l'affranchissement qu'on a par rapport à des règles. Et puis des règles qui sont encore, là pour le coup, encore plus strictes parce qu'écrites, quand on appartient à l'univers monastique, les moines font, les moines sont qui plus est enfermés, mais il n'empêche que quand on regarde la littérature pornographique, l'imagerie pornographique, les prémices du cinéma pornographique, le moine paillard est un personnage tellement récurrent, et dont la présence ne s'excuse pas ou ne s'explique pas uniquement par l'anticléricalisme, il doit y avoir un fond de réalité. Le moine paillard était sans doute un personnage de la comédie humaine des temps passés, qu'on a un peu oublié désormais. Entrant dans une église, je ne vis d'abord rien qu'un vieux cochon de moine qui se branlait dans un coin. Et ce cochon de moine se branlait dans son coin en confessant les filles du soir jusqu'au matin. Si je te baise, si je t'encule, si je fais ça, c'est pour ton bien. Mais crois bien, ma petite Ursule, que c'est aussi pour le mien. Si je te baise, si je t'encule, si je fais ça, c'est pour ton bien. Mais crois bien, ma petite Ursule, que c'est aussi pour le mien. André Roche, vous êtes historien et professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Nous parlons de la luxure, des sept péchés capitaux. C'est un concept ancien et qui en devient presque désuet. Peut-être c'est ce qui fait son charme aussi, par la voie de la transgression. Alors effectivement, le mot, le concept est ancien. Plus récemment, il apparaît sous différentes formes. Je pense en particulier à la perversion ou au vice, par exemple. Hein. La luxure, c'est d'abord l'excès, c'est ce qui déborde, ce qui est aussi d'une certaine manière impossible à contenir. C'est une notion qui se décline beaucoup en débauche, vice, fornication, perversion, turpitude, concupiscence, oui. Etc. Alors vous avez tout à fait raison, la notion de fornication précède le mot luxure. Autrement dit, il vient de cette partie de la ville de Rome où les prostituées résidaient, faisaient leur commerce, et ça s'appelait le fornix, et ça a donné fornication. C'est seulement plus tard que le terme de luxure l'emporte. Alors, en italien, il donne lussuria, donc on entend bien la similitude de la racine. Chez les Allemands, c'est lust, et chez les Anglais, lust. Donc, il y a une racine commune, comme vous le dites, c'est une racine qui est plutôt de la langue romaine. Lust, c'est aussi l'envie et le désir. Oui, c'est cela, c'est le désir au sens où il n'est pas contrôlable. Et d'autre part, c'est le désir au sens où il s'attaque plus particulièrement au sexe, à la sexualité. Parce qu'il y a aussi du désir, par exemple, dans la gourmandise. Mais la gourmandise. Les deux sont associés d'ailleurs. Alors, on va y arriver, oui, vous avez raison, vous allez plus vite que moi. Donc, la gourmandise, c'est un excès, c'est quelqu'un qui mange plus que ce qu'il devrait manger. Mais ça s'attaque entre guillemets, à son ventre, tandis que la luxure se situe un cran plus bas, c'est-à-dire au sexe, aux organes génitaux. Alors, comme vous le soulignez à l'instant, chez les pères du désert, et puis chez saint Augustin aussi, hein, la gourmandise, quand elle est consommée, elle va ensuite donner naissance à la luxure. Et de ce point de vue, c'est un thème qui se retrouve encore chez Bossuet, qui recommande à ses paroissiens ou à ses lecteurs de ne pas céder à la gourmandise parce que elle va les conduire à la luxure. Parce que le lit n'est pas très loin de la table. Alors on peut dire les choses comme ça, mais puisque vous aimez la plaisanterie, n'oublions pas que les Romains mangeaient sur un lit. Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Alain Rey, vous êtes linguiste. Comment est-ce que la notion de luxure se forme-t-elle, le mot et l'idée? Eh bien, le mot est très ancien parce que c'est un latinisme et qu'on commence à parler de luxure à peu près avec le sens d'aujourd'hui à partir du XIIe siècle. Là, on a des textes assez nombreux qui en parlent. C'est intéressant parce qu'un mot qui est apparenté mais qui est tout différent par sa nature, qui est le luxe, c'est le même radical latin, n'apparaît lui qu'à la Renaissance. Donc ça veut dire qu'en ancien français, on était luxurieux, mais on n'était pas luxueux. C'est assez intéressant, parce que ça montre qu'il y a une propension à juger les comportements d'une manière morale. Et d'ailleurs, au départ, quand on parle de luxe, c'est toujours pour condamner l'excès qu'on représente. Donc c'est le point commun des deux, c'est l'excès. Et en latin, c'est pas vraiment le sens initial du mot, parce que ça vient d'un verbe qui voulait dire dévier. Et le mot est appliqué dans les textes latins surtout aux végétaux, les végétaux qui poussent de travers et qui poussent en excès. Donc c'est négatif, c'est un défaut. Mais en même temps, c'est une abondance. Donc ça relie, si vous voulez, l'idée d'excès, l'idée de comportement qui est aberrant, aussi parce que c'est la déviation. Donc ça explique qu'il y a un rapport entre ce qui est de travers, ça peut être désagréable et pathologique, et c'est la luxation, c'est le même radical, et ça peut être l'excès quantitatif, et qualitatif, que représente le luxe par rapport à une consommation normale. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Comment est-ce qu'on en arrive à prohiber ça, André Roche? Comment est-ce que ça devient un péché capital dans nos civilisations? Donc les pères du désert, comme Évagre par exemple, comme Cassien, sont des personnalités qui ont abandonné leur richesse, qui ont abandonné leur héritage, parce que c'était, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'était trop, donc c'était du luxe, c'était de... Et il se retire dans le désert pour, en quelque sorte, faire une sorte d'ascèse. Et c'est cette ascèse qui leur permet, disent-ils, de se dégager du monde, de se dégager de ce qui est de l'ordre du corps, et qui permet d'accéder à la spiritualité, c'est-à-dire à Dieu. Et par conséquent, ils vont, dans cette ascèse, ils vont faire, comme vous le disiez à l'instant, des interdits, des prohibitions, parmi lesquels les péchés capitaux sont ici essentiels, puisqu'ils indiquent, par exemple, la gourmandise, la luxure, l'avarice, etc., l'orgueil, la vaine gloire, enfin, etc., etc. Au début, d'ailleurs, ces péchés capitaux, qui ne s'appellent pas des péchés, qui s'appellent chez Évagre des passions. Donc ces passions, il y en aura 8, et puis après ça va devenir 7. Je voudrais tout de suite ajouter un élément qui peut être tout de même extrêmement important. Par capital, il ne faut pas entendre très grave. Par capital, il faut entendre caput, c'est-à-dire la tête. Autrement dit, ce sont en quelque sorte des capitaines, hein, capital, capitaine, ce sont des capitaines qui derrière eux ont une armée. Et dans cette armée, il peut y avoir d'autres péchés, en particulier quand il s'agit de la luxure, il y a la mollesse, il y a l'inattention, la distraction, etc., etc. Et c'est cette armée qui monte à l'assaut du malheureux moine qui, lui, voudrait, par l'ascèse, se dégager de cela. Chez les pères du désir, du désert, ah bah tiens, c'est pas mal. Chez les pères du désert, c'est la femme qui est tentatrice. Autrement dit, par exemple, les pères du désert disent « S'il y a une femme à table, ne t'assieds pas. Si tu es à côté d'une femme et qu'il y a un plat, ne mets pas les mains dans le plat et va-t'en, etc. etc. » Bon. Comme vous le savez, pendant la nuit, on peut avoir des mauvais rêves, en particulier des rêves luxurieux. Donc, il faut lutter contre cela, surtout que ce sont les plus dangereux. Parce que, précisément... on éveille. Donc, et ces pères du désert vont se contraindre à ne pas dormir. Et quand ils dorment sur des surfaces très dures, de telle sorte qu'à tout moment, le corps est, en quelque sorte, maintenu en éveil. Il y a la volonté divine, il y a le respect des rites et des lois qui est maintenu par l'Église, et tout ce qui dépasse est punissable. Bon, donc c'est automatique, et la luxure fait partie des excès absolument condamnables. Alors quand la religion cesse d'être toute puissante, évidemment l'idée de luxure n'est pas abandonnée, et elle devient quelque chose qui est un excès qui peut être intéressant. Il n'y a qu'à penser aux premiers textes qui sont ouvertement hostiles à la morale chrétienne en matière sexuelle, le plus éclatant étant Sade, évidemment, et c'est pas par hasard que c'est à la fin du XVIIIe siècle. La luxure, à mes yeux, n'est pas seulement le mal, le péché. Dans la luxure, il y a aussi la désobéissance, c'est-à-dire la liberté. Et de ce point de vue, à tout moment, la sexualité a été une révolte, une révolution. Chez Sade, c'est une révolution sur le plan théorique, a toujours été une révolte à l'égard d'un pouvoir existant. Que ce pouvoir soit la religion, que ce soit la loi, que ce soit les mœurs, que ce soit le candidaton, dans tous les cas, c'est présent. Le cardinal et l'épectase de l'apôtre. Avec Claude Angéli, journaliste, Jean-Marie Ponteau, journaliste, Emmanuel de Boisson, petite nièce de Jean Danielou, Claude Cancès, ancien patron du 36 Quai des Orfèvres, Philippe Charlier, médecin légiste, Alain Ray, linguiste, André Roche, historien, Marc Lemonnier, écrivain. Texte lu par Thierry Beauchamp. Grand merci à Mathieu Frachon, à Jean-Marc Sciappa de La Libre Pensée, au service de communication du diocèse de Paris, à Radio Campus Lille pour le tango de Danielou, et à Laurence Bolland du Canard Enchaîné, au Café Le Rouquet et à l'hôtel Pas-de-Calais rue des Saints-Pères à Paris, et à Anne Hautecoeur de La Musardine. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Christine Bernard, documentation d'actualité Corinne Chauvel, archivina Inès Barja, prise de son Hélène Langlois et Jérémy Tuile. Une histoire particulière, François Test, Olivier Chauvel. Une histoire particulière, c'est fini. Cette histoire, ce podcast, sur le site de France Culture. Elle se réécoute partout, où vous voulez, quand vous voudrez. Toute la bibliographie qui accompagne ce documentaire est bien entendu sur franceculture.fr. L'été est fini, mais l'équipe d'Une histoire particulière reprend ses quartiers habituels et nous vous retrouvons samedi 1er et dimanche 2 septembre de 13h30 à 14h pour une nouvelle histoire particulière. Mais vous l'avez deviné, c'est une autre histoire.